ça commencé sur la planète Tatooine. Il y avait Anakin dans cette arrière boutique qui réparait des bottes de course cosmique. Un esclave d'un extraterrestre appelé Watu. Et le jour où vint Qui-Gon Jinn en ville, il sentit le pouvoir de la force dans avec elle et il pouvait pas. Et quand il découvrit sa mère tuée, Anakin sentit la haine décuplée envahir sa destinée. C'est un type avec un gros casque et qui respire avec. Éternellement, abandonne-toi au côté obscur. Je ne viendrai jamais du côté obscur. Vous avez échoué dans la tasse. Je suis un Jedi, comme mon père l'avait été avant moi. Mmh.